La plaque d'or par Abel Hermant. Monsieur le procureur de la République, bon citoyen, plein de respect et d'admiration pour la justice de mon pays, je veux lui épargner, comme on dit vulgairement, un pas de clerc et la peine d'une enquête dont il serait désolant qu'elle ne se tira pas à son honneur. Je m'empresse donc de vous écrire. Monsieur le procureur de la République, ne cherchez plus. Le voleur de la plaque d'or qui ornait encore avant-hier l'unique momie conservée dans l'unique salle égyptienne du musée de notre beau chef-lieu et qui depuis ce jour a disparu, le prétendu voleur de cet objet, c'est moi. Bien qu'il soit en ma possession fort légitimement, en dépit des apparences, et ainsi que j'aurai l'honneur de vous l'expliquer ci-dessous, je le tiens d'ores et déjà à votre disposition. Je vous prie seulement de vouloir bien m'indiquer par la voie des petites annonces un moyen discret et sûr de le restituer. Je n'accepterai sous aucun prétexte l'intermédiaire de la police, qui ne m'inspire pas le même respect que la justice et qui m'inspire même une invincible méfiance. J'ai ma conscience pour moi. Je ne crains donc pas le grand jour, mais je crains précisément d'être mis à l'ombre. Ici, monsieur le procureur de la République, je dois ouvrir une parenthèse et vous donner quelques renseignements sur ma modeste personne. Vous connaissez aussi bien que moi ce mot historique. Je ne demande que deux lignes de l'écriture d'un homme pour le faire pendre. Vous venez de lire une grande page de ma main. Vous êtes trop bon juge, sans jeu de mots, pour n'avoir pas remarqué que mon orthographe est irréprochable et que je m'exprime toujours avec correction, parfois avec agrément. Je ne suis pourtant qu'un travailleur manuel, mais j'ai pris au pied de la lettre la devise des 3-8. Je ne consacre pas rigoureusement 8 heures à mon sommeil. Ceci ne regarde que moi. Mais pour rien au monde, je ne consacrerai aux œuvres serviles 5 minutes de plus que les 8 heures réglementaires. Les 8 heures qui me restent, plus ce que je prends sur mes nuits, je les consacre, selon l'esprit de la loi, au repos. Comme les anciens, par repos j'entends loisir. Otium non negotium. Monsieur le procureur de la République, en d'autres termes, je cultive mon esprit. J'ai commencé par oublier presque tout ce qu'on m'avait enseigné à l'école primaire. Mon goût me portait vers les humanités. N'allez pas croire que je sois un autodidacte, quelle horreur. J'ai pris des leçons particulières d'un professeur de l'université. J'avais fait sa connaissance un jour que je réparais une fuite au collège. Car je suis ouvrier plombier, à ceux de mes moments que je considère comme perdus. Cet excellent homme, à qui le régime bourgeois n'octroie qu'un salaire de famine, n'a pas été fâché de gagner quelque argent de surcroît. Et j'ai moi-même été aussi heureux que fier de pouvoir, une fois par hasard, le rétribuer décemment. Il a bien voulu me dire, dès l'abord, que la vivacité de mon intelligence le frappait. Maintenant il refuse mes subsides. Il assure que ce serait me voler, et que j'en sais aussi long que lui. C'est un homme antique. Je suis moi-même ce que l'on appelait au XVIIe siècle un honnête homme. J'ai des clartés de tout, mais aussi ma petite spécialité, l'archéologie égyptienne. Que de fois, monsieur le procureur de la République, après avoir pâli sur les beaux livres des Mariettes et autres camarades égyptologues, suis-je allé rêver dans notre petit musée, devant notre chère momie. Elle est bien humble, elle est bien seule, mais tout n'est-il pas dans tout? Elle évoquait à mes yeux les siècles des pharaons. J'avais pour elle une vénération, une amitié particulière. Je la préférais de parti pris à ses sœurs plus riches du Louvre, que je n'ai jamais eu l'occasion de visiter, comme les enfants préfèrent, avec une sorte d'attendrissement, les jouets qui ne sont pas trop luxueux ni trop beaux. J'ai encore des traces d'enfance dans le caractère, monsieur le procureur de la République. Cela n'est pas pour vous surprendre, j'ai à peine 19 ans. Mon imagination n'est pas moins vive que mon intelligence. Il me semblait, tant j'étais devenu familier avec cette princesse ou avec cette femme du peuple inconnu, il me semblait qu'elle devait répondre à mes sentiments. Nous avions ensemble de longs entretiens qui ne faisaient pas beaucoup de bruit. Et c'était pour moi chaque soir un déchirement lorsqu'il me fallait me séparer d'elle à 4 heures. Lorsque j'entendais notre vieux gardien, esclave de la consigne, crier « Enferme !» Il ne le criait qu'à mon intention, car je n'ai honte pour mes concitoyens, monsieur le procureur de la République. je suis le seul habitant de cette ville qui s'intéresse aux antiquités égyptiennes et qui met jamais les pieds au musée. Pour cette raison, je n'étais pas moins intime avec le gardien qu'avec la momie. Il n'avait pas de secret pour moi. Et je savais par exemple qu'après avoir fermé la grande porte, il suspendait la clé à un clou planté dans le chambranle, puis sortait par une petite porte qu'il fermait de l'extérieur ou qu'il ne fermait pas. « Je suis français, monsieur le procureur de la République. C'est vous dire que je ne puis voir un écriteau qui m'interdit de passer quelque part sans être démangé d'y passer. Et qu'à plus forte raison, j'ai envie de rester où je suis quand on m'ordonne d'en sortir. 20 fois j'ai été sur le point de céder à la tentation. Enfin, je dis, presque sans y penser, presque malgré moi, je me dissimulais derrière le sarcophage. Le gardien n'en cria pas moins « Enferme !» quoiqu'il ne vit personne. Il accrocha la clé où il m'avait dit, il sortit, je demeurai seul avec celle qui est morte depuis plusieurs milliers d'années. Ce tête-à-tête, vous l'avouerai-je, me troubla singulièrement. Mon imagination n'est pas seulement vive, elle présente dans les occasions certains aspects presque morbides. C'est le revers de la médaille, je suis un intellectuel. J'eus une véritable hallucination. Mes lectures m'avaient révélé un détail qui a toujours échappé à monsieur le conservateur du musée. Entre nous, monsieur le procureur de la République, il est ignorant comme une carpe. Cette plaque d'or, qu'il a fixée au masque peint de la momie, devrait reposer sur la poitrine, un peu au-dessus du sein gauche. Je m'approchai d'elle, et après avoir murmuré une excuse à son oreille sourde depuis tant de siècles, je saisis délicatement l'objet litigieux. Je voulus l'attacher à la place que selon les dernières données de la science, il doit occuper. C'est alors que le miracle se produisit, ou, si vous préférez une hypothèse plus positive, c'est alors que je pense avoir été le jouet d'un phénomène hallucinatoire. Il me parut que j'entendais une voix d'outre-tombe qui me félicitait de mon irréduction, me remerciait de mon timide amour et me priait d'accepter, en gage de reconnaissance, la plaque d'or que j'avais bien gagnée. J'aurais cru manquer de savoir-vivre, si j'eusse fait la moindre cérémonie. Je confesserai en outre, monsieur le procureur de la République, que j'avais une grande hâte de décamper. J'avais cependant toute ma présence d'esprit, je trouvai la clé à son clou sans difficulté. J'ouvris, et je refermai la porte, j'étais libre. Je rencontrai un peu plus tard le gardien dans un petit bar, où nous avons coutume de fréquenter tous les deux, il me dit « On ne t'a pas vu ce soir ?» Il en témoignerait. Au besoin. J'ai donc un alibi. Je pourrais néanmoins être soupçonné ou un innocent l'être par ma faute. Mieux valait de toute façon vous écrire cette lettre. Vous en ferez ce qu'il vous plaira. Et vous voudrez bien agréer, monsieur le procureur de la République, les assurances de mon respect. XXX PCC à Bel-Hermant.